Le lundi 17 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. La police de Québec confirme qu'elle enquête sur une vague d'agressions à l'Université Laval. 9 cas d'introduction dans des chambres de résidence lui ont été rapportés, ainsi que 4 cas de possibles agressions sexuelles. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi au pavillon Alphonse-Marie Parent. Les enquêteurs des crimes majeurs poursuivent leur travail, n'ont procédé encore à aucune arrestation. De son côté, la direction de l'Université Laval a tenu un point de presse il y a 2 heures pour condamner les gestes commis et apporter son soutien aux victimes. Le vice-recteur Éric Beauce s'est dit profondément choqué, révélant qu'une enquête de professionnels avait été mise en place rapidement pour apporter une aide psychologique aux victimes. Les libéraux de la région de Québec réfutent les accusations des conservateurs. En conférence de presse dimanche matin, les 5 députés conservateurs de la Rive-Nord ont affirmé que les libéraux avaient abandonné la région de Québec, citant l'inaction dans les dossiers du pont de Québec ou encore dans le financement des projets d'agrandissement du port. Par la voix de son attaché de presse, le député Joël Heidband a tenu à corriger le tir, rappelant que les libéraux avaient tenu 2 rencontres au sujet de la peinture du pont de Québec et que dans le cas du port, eh bien, les études environnementales suivent leur cours. Les libéraux mentionnent qu'ils en ont fait beaucoup pour la classe moyenne, avec notamment l'allocation aux enfants. Les Canadiens sont nombreux à rapporter des infractions au code de la route dans des zones scolaires. Selon un sondage de l'Association canadienne des automobilistes, près des 2/3 des Canadiens ont été témoins d'au moins un comportement de conduite dangereuse dans une zone scolaire. Près du tiers ont signalé avoir été témoins d'une collision ou d'une quasi-collision dans une zone scolaire, dont plus de la moitié impliquait un enfant. Les cas d'excès de vitesse et de texto volant seraient aussi fréquents dans les zones scolaires. Selon le CAA, les comportements dangereux dans ces zones près des écoles seraient plus fréquents qu'il y a quelques années. Enfin, le Parti québécois subit un revers dans sa volonté de réunir les forces progressistes. Québec solidaire ferme définitivement la porte à une alliance afin de présenter un candidat conjoint dans l'élection partielle de Verdun qui s'en vient. La solidaire Manon Massé affirme qu'elle ne croit pas à la sincérité du chef péquiste et dénonce une stratégie partisane. Québec solidaire s'était montré une alliance dans le seul cas où c'est son candidat qui allait être favorisé. Terminons à la météo pour vous dire que c'est généralement ensoleillé aujourd'hui avec un maximum de 12 degrés. Ennuagement ce soir avec un minimum de 5 degrés. Des averses demain avec jusqu'à 15 mm de pluie et 13 degrés. Le soleil sera de retour mercredi et on prévoit un retour du temps gris en fin de semaine. À Québec, on a 10 degrés présentement. Vous écoutez CKRL 89.1 et on revient maintenant à l'émission Midi Jazz.